Des ailes aux talents, des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien commun, racontés par des écrivains et écrivaines. Adrien Born. Si je savais lire dans un regard, elle ajouterait qu'on a tous un petit talent à apporter au collectif. Et c'est ce qui permet de s'élever. Mais pour l'instant, elle me laisse venir, monter à bord, au milieu d'enfants comme moi et d'autres qui ne le sont pas. Des ailes aux talents, un podcast de la Fondation Bettencourt-Schueller, disponible sur toutes les plateformes. Elle essayait d'attenter à ses jours au moment où vous avez tiré. C'est bien ça. Attenter à ses jours, vous dites, mademoiselle Haraway. Mademoiselle Haraway. Comment un robot s'y prend-il pour attenter à ses jours? Ne serait-il pas plus approprié de parler alors d'autodestruction? Seulement si l'on considère qu'il y a une très nette différence entre l'homme et la machine. On pourrait pas redescendre sur Terre 2 minutes. Mademoiselle Haraway, j'aimerais savoir ce que vous avez pu observer sur le robot Adali, modèle 2052, fabriqué par Locus Solus. C'est une sexaroïde. Mais... Mais quoi? Continuez. Nous avons trouvé un fichier dans la mémoire audio. Vous voulez l'écouter? Sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez... Merci encore, mademoiselle. Haraway. Ni mademoiselle, ni madame. Connaissez-vous Donna Haraway? Son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe contemporaine, née à Denver en 1944, professeure à l'Université de Californie, reconnue à travers le monde, son œuvre manifeste peuplée d'embryons, de singes, de chiens, de cyborgs, pétrie de biologie, de nouvelles technologies, de science-fiction, entre le socialisme, le féminisme et le matérialisme, apportant quelque chose de... Mais de quoi? D'inclassable, sûrement pas. De déroutant, un peu. De dérangeant, au contraire. D'étrange, c'est sûr. Car une seule de ces pages suffit à vous faire dire « Mais que suis-je en train de lire ? » Est-ce de la philosophie ou une folie ? Comme si on tombait tout à coup sur une terre inexplorée où tous nos concepts bien appris, bien distingués, s'effondraient. C'est une expérience étrange, oui, mais où, peu à peu, on en vient moins à se demander ce qu'on est en train de lire que « Mais pourquoi ai-je pensé ainsi jusqu'ici ?» Laissez donc tomber vos préjugés et laissez-vous entraîner dans l'univers de Donna Haraway, celle qui préfère être cyborg que déesse. Do you like our owl? It's artificial. Of course it is. I'm Rachel. Deckard. Vous permettez que je fume? Ça n'affecte pas le test. Bon, alors je vais vous poser une série de questions. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible. Vous regardez la télévision. Tout à coup, vous réalisez qu'il y a une guêpe sur votre bras. Je la tue. Vous lisez un magazine et vous tombez sur toute une page de photos de filles nues. Vous me testez pour savoir si je suis un réplicant ou une lesbienne, monsieur Deckard. Répondez juste à la question, s'il vous plaît. Encore une question. Vous êtes dans une salle de spectacle où a lieu un grand banquet. On sert à tous les invités un plateau d'huîtres en entrée. Puis vient... un plat de chien bouilli. Voudriez-vous nous laisser un moment, Rachel? Merci. C'est un réplicant, n'est-ce pas? Vous m'impressionnez. Combien de questions faut-il d'habitude pour en repérer un? 20, 30, avec les recoupements. Il en a fallu 100 pour Rachel. Elle ne sait pas. Elle commence à avoir des soupçons, je crois. Des soupçons? Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant? Le commerce... Et notre seul but chez Tyrell, plus humain que l'humain, est notre devise. Rachel est un sujet expérimental, rien de plus. Nous créons un coussin, une base pour leurs émotions, et nous pouvons mieux les contrôler par conséquent. Une mémoire. Vous parlez d'une mémoire affective. Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur, sorti tout récemment, de Les Presque Humains, Mutants, Cyborgs, Robots, Zombies et Nous, aux éditions du Seuil. Vous êtes aussi l'auteur de Cyborg Philosophie, Pensée contre les dualismes, paru au Seuil aussi, mais en 2011, dans lequel vous parlez de Donna Haraway. Alors pour ouvrir une semaine sur Donna Haraway, on s'est dit quand même que c'était peut-être pas mal de commencer avec son livre le plus célèbre, texte paru en 1985, son manifeste Cyborg, seulement traduit en 2002 en français, enfin en tout cas officiellement. En quoi est-ce un texte fondateur et peut-être le meilleur pour entrer dans la personnalité et dans la pensée de Donna Haraway, Thierry Hoquet? D'abord, c'est un texte bref, c'est un texte manifeste, donc un texte extrêmement percutant. Un texte où finalement Haraway donne en quelques pages peut-être le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire d'abord la multiplicité de ses engagements matérialistes, marxistes, féministes, mais aussi scientistes en quelque sorte, car elle ne renonce à rien, et aussi un bon exemple de son style, c'est-à-dire un mélange à la fois d'ironie, de blasphème, de provocation, mais aussi de protestation très violente contre le monde cauchemardesque dans lequel on vit. Est-ce que vous partagez ce que j'ai dit en ouverture, à savoir que de commencer à lire Donna Haraway, c'est assez déroutant, et d'ailleurs envisager toute une série d'émissions sur elle est assez compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il faut quand même la présenter, il faut effectivement la situer, et il y a un certain nombre de données chez elle, le féminisme, le socialisme, l'anticapitalisme, la dimension nouvelle technologie, le rapport à la nature, tout ça en fait est complètement mélangé et donc difficile à structurer en plusieurs étapes, en plusieurs dimensions. Vous nous livrez les cuisines, les coulisses de la fabrication mais, de cette oui, semaine. Oui, mais comme Donna Haraway finalement. Eh bien, je crois que Haraway, elle est intéressante parce qu'elle est... elle trouble les coordonnées en fait. Voilà. Donc, elle est quelque part dans le plan. Dans le plan, un plan où on est toujours en fait pris dans différentes dimensions, dans différentes disputes. C'est-à-dire, elle nous dit d'abord l'impossibilité justement de se situer sur un point de vue surplombant qu'elle appelle le point de vue de Dieu, mais aussi le truc de Dieu en fait qui consisterait en fait à se placer comme étant au-dessus des conflits, au-dessus des partis. Haraway, elle refuse l'idée qu'on puisse jamais s'extraire en fait de sa situation. Donc c'est toujours un discours qui est extrêmement entrelacé, un discours également extrêmement situé. J'avais envie de dire un discours post-post. Au sens où il y a eu les grands systèmes, les grands récits, le système du progrès, le système de la science, le système du modernisme, du capitalisme, etc. Puis après, il y a eu le système le moment des critiques, le post-modernisme, le post-humanisme, et elle est post-post au sens où elle ne veut pas non plus endosser ses discours critiques. Donc elle est ni dans l'affirmation naïve, ni dans le discours critique. Elle est à la fois dans tout ça et ailleurs. Mais voilà, j'allais vous poser cette question, Thierry Hoquet. Elle est où? Comment vous pourriez définir la philosophie de Donna Haraway? Pour quelqu'un qui n'y connaît rien à Donna Haraway, vous lui diriez quoi? Bon, c'est d'abord quelqu'un d'engagé. Donc, c'est quelqu'un d'engagé dans quoi? Alors, j'allais dire dans la dénonciation. Mais c'est justement, elle va pas être dans la dénonciation. Alors, est-ce qu'on peut dire critique, c'est mieux? Critique, ça montrerait encore une forme de déconstruction de quelqu'un qui posséderait tous les outils et qui serait en position de montrer comment c'est fabriqué. C'est pas ça non plus qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est véritablement montrer comment on est nécessairement impliqué, intriqué dans des situations qui nous concernent. On est concerné par le capitalisme, par le monde cybernétique, même si on ne travaille pas, même si on est à la maison toute la journée, on est impliqué dans tout un tas de discours qui nous concernent. Qui nous concernent pourquoi? Parce que on est soumis au martèlement cathodique, hein, c'était l'époque de la télévision, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. On est soumis aussi à un univers techno-capitaliste, militaro-industriel, avec des gros mots extrêmement violents, mais qu'on le veuille ou non, en fait, on est plongé dans tout ça, qui que l'on soit. que l'on soit, ça va comme phrase. Qui que l'on soit, j'ai bien compris. Et effectivement, Haraway, quand elle écrit le manifeste Cyborg, c'est au début des années 80, ça paraît dans la Socialist Review en 1985, le contexte est déjà à peu près celui-ci, c'est un contexte plus particulier parce que c'est comme le contexte de la guerre froide, mais il y a déjà ce contexte, effectivement, de nouvelles technologies, de situations engagées, de féminisme, des thèmes dans lesquels elle va justement... appuyer pour dire que nous sommes engagés dans ces situations. Alors ça, l'année est intéressante en effet parce qu'en fait c'est le moment où Ronald Reagan, dans un mouvement tout à fait saisissant, reprend en fait le thème de la guerre des étoiles qui était développé par George Lucas dans sa célèbre saga, hein, Star Wars, la guerre des étoiles. Et là, l'homme politique le plus puissant au monde, le président des États-Unis d'Amérique, reprend ce thème pour dénoncer l'empire du mal, the evil empire, c'est-à-dire l'Union soviétique, et donne sous le titre de guerre des étoiles la description d'un programme qui engloutit des millions de dollars, qui est un programme de destruction des missiles aériens dans la stratosphère, voilà, enfin quelque chose de tout à fait à la fois cauchemardesque, tout à fait réel, tout à fait militaire, et en même temps qui se formule dans une phraséologie qui est empruntée à la science-fiction, c'est-à-dire à l'imagination. Et là, on l'a, en quelque sorte, l'hybridation des mondes. Voilà, le fait que, ben, même quand un homme politique s'exprime, il fait référence à des fictions. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas, d'un côté, le monde de la fiction et de l'autre, le monde de la réalité. Ça veut dire que tout ça, en fait, produit des effets. Et des effets, ici, qui sont cauchemardesques, en fait. Donc, comment échapper à cette promesse de destruction, à cette promesse d'apocalypse? Comment garder de l'optimisme? Comment agir, surtout en tant que sujet individuel? Comment reprendre un peu de prise sur cet avenir si noir et si sombre? J'appelle la communauté scientifique de notre pays, ceux qui nous ont donné l'arme nucléaire, à mettre maintenant leur grand talent au service de l'humanité et de la paix mondiale, à nous donner les moyens de rendre ces armes nucléaires impuissantes et obsolètes. Je dirige un effort global et intensif pour définir un programme de recherche et développement à long terme, dans le but de commencer à atteindre notre objectif ultime d'éliminer la menace posée par les missiles nucléaires stratégiques. Le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. Il n'a rien à voir avec la bisexualité, la symbiose pré-œdipienne, l'inaliénation du travail ou toute autre tentation de parvenir à une plénitude organique à travers l'ultime appropriation du pouvoir de chacune de ses parties par une unité supérieure. Le cyborg n'a pas d'histoire originelle au sens occidental du terme. Ultime ironie, puisqu'il est aussi l'horrible conséquence, l'apocalypse finale, de l'escalade de la domination de l'individuation abstraite. Le moi par excellence, enfin dégagé de toute dépendance. Un homme dans l'espace. L'histoire des origines, au sens humaniste, occidental du terme, repose sur le mythe d'une unité, d'une plénitude, d'une béatitude et d'une terreur originelle, représentée par la mère phallique, dont tous les humains doivent se détacher pour accomplir leur double tâche de développement individuel et historique, selon les mythes jumeaux superpuissants hérités du marxisme et de la psychanalyse. Le cyborg saute l'étape de l'unité originelle, celui de l'identification avec la nature au sens occidental du terme. Voici sa promesse illégitime qui pourrait nous conduire vers la subversion de sa téléologie de guerre des étoiles. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc un extrait du manifeste Cyborg de Donna Haraway, interprété ici par Hélène Losser. Ce texte date de 1985, on l'a dit. Bon, Thierry Hoquet, pourquoi le cyborg ? Alors justement, c'est véritablement l'incarnation de, on va dire, du cauchemar, puisque c'est un être humain qui a été en quelque sorte dépecé, dépouillé de son intégrité d'organisme pour être greffé à une machinerie. Donc ce cauchemar, il est très bien représenté en 1984 par le film Terminator avec Arnold Schwarzenegger, plus tard par Robocop en 87 de Verhoeven. On a cette idée véritablement que il y a un capitalisme militariste qui s'empare de la chair pour la contrôler. Et donc c'est aussi une figure de extrêmement masculine en fait. Or on a en contrepoint des choses qu'on a entendues au tout début de l'émission, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des androïdes qui sont gynomorphes, c'est-à-dire des femmes robots, comme notamment on a entendu le nom de Adali qui renvoie à l'Ève future. Donc on a ici quelque chose de très compliqué, où à la fois le corps masculin c'est le corps technique, et puis d'autre part il y aurait des hommes qui seraient des savants fous un peu, qui produiraient des sortes de compagnes robotiques qui seraient bien plus agréables et fréquentables que les femmes de chair. Alors, où sont les femmes, justement, dans cette affaire? Eh bien, on va dire, pour beaucoup de féministes, justement, les femmes vont être envoyées à un autre monde, qui est le monde de la nature originelle. Et là, on a une figure qui est très importante, c'est l'idée que, eh bien, si nous vivons aujourd'hui dans un monde patriarcal, eh bien, il y aurait eu, à l'origine, un matriarcat qui aurait été une sorte de moment origine d'union avec la nature, où les femmes et leur pouvoir incroyable de maternité auraient été la puissance dominante, comme on le voit par exemple dans les cultes rendus au Vénus dans l'art préhistorique. Voilà. Eh bien, Haraway, elle intervient sur cette affaire en dénonçant les mythes implicites qui travaillent cela. C'est-à-dire, elle refuse que les femmes, dans leur chair, soient condamnées à incarner la nature du fait du pouvoir de maternité, et elle renonce de ce fait à la technique qui serait une affaire purement masculine. Haraway, elle intervient pour dire, ça suffit, les filles, entre guillemets, on ne va pas laisser les garçons faire leur petit tripatouillage dans leur coin. S'approprier la nouvelle technologie, le futur, l'agressivité, et on va se le réapproprier, c'est ça? C'est pas qu'on va se le réapproprier comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. On est déjà plongé dedans. On est déjà plongé dedans, ça veut dire, c'est déjà notre affaire. C'est l'affaire des femmes qui travaillent à la chaîne sur des usines de montage, d'appareils électroniques, c'est l'affaire également même des femmes au foyer qui sont soumises aux prêcheurs cathodiques, c'est voilà. Donc on est déjà dans ce système-là et donc on doit s'emparer de cette affaire. Et donc le cyborg ici, c'est quoi? Oui, ce que je vais vous poser comme question, Thierry, est-ce que c'est un personnage, une figure, une icône, une forme de modèle, un modèle d'inspiration? C'est quoi le cyborg véritablement? C'est un concept? Ben c'est tout ça. C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est une fable et rien de plus. Ce qui serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. On pourrait dire, c'est le discours des biotechnologies, des capitalistes, des entrepreneurs qui fabriquent de l'hybride entre les organismes et les machines. Ou bien, on pourrait dire, c'est un discours qui est aussi un discours philosophique et émancipateur. Eh bien, c'est sur cette troisième position que Haraway intervient, en disant, en fait, c'est un pari de dire, et si, au lieu de mythifier une entité qu'on va appeler la femme avec une majuscule, et qu'on le prenait comme le sujet du féminisme, comme s'il y avait une évidence, et si on prenait, au lieu de cela, la figure la moins pertinente possible, la plus étonnante, celle, donc, de ce cyborg. Si on arrachait, donc, le cyborg à Arnold Schwarzenegger pour en faire la figure la plus banale qui soit, celle de la femme située, prise dans les systèmes de production et de domination. C'est ça le pari, en fait. Et ce pari, il brouille effectivement différentes frontières. Puisqu'il pense au féminin une figure typiquement masculine, puisqu'il montre que en fait il n'y a pas une pureté de l'organisme face à la technique, il rebat les cartes en fait de la place des femmes dans le monde des sciences, des techniques, et il rompt surtout avec cette idée que les femmes seraient associées à une sorte de sorcellerie primitive. Oui, alors ça, c'est très intéressant, parce que dans le texte, on a vraiment cette idée de le cyborg n'a pas d'histoire originelle. On voit bien que Donna Haraway, en fait, veut en finir sur le mythe non seulement de l'origine, le mythe aussi de l'harmonie de la nature, et puis aussi l'idée, en fait, d'une unité. Il y a quand même plusieurs dimensions, en fait, dans la critique d'Haraway, notamment à ces féministes ou alors aux antiféministes qui voient uniquement la femme associée à l'harmonie, la nature et à l'unité primitive, c'est renoncer en fait à ces chimères, revenez à la réalité, ce qui d'ailleurs semble un petit peu paradoxal avec le côté fictionnel du cyborg. Oui, alors les cyborgs, en fait, on a tendance à les penser justement comme une chair vive, un organisme naturel, qui serait comme ça joyeux, sauvage, indépendant, et tout à coup, en fait, quelque chose d'extérieur à la vie viendrait prendre possession de cet organisme pour le dominer, l'amputer, l'hybrider, etc. Cette histoire n'a aucun sens. La technique fait partie intégrante de l'histoire humaine. C'est-à-dire, en fait, il n'y a jamais d'humain qui n'est pas couplé à des techniques. Il n'y a jamais d'humain qui n'est pas en relation avec quantité d'outils. Voilà, ça a commencé très tôt. Ça a commencé au moment où on a commencé à utiliser les vallées pour faire porter sa ou les grottes pour faire porter son écho plus loin. Vous voyez, donc l'augmentation, elle est partout. C'est-à-dire, les humains ne sont jamais tout nus, que ça concerne les hommes ou les femmes, en fait. Et donc, c'est une histoire, l'histoire humaine, elle est liée à des hybridations. Elle est liée à des hybridations avec des instruments inertes, techniques, on va dire. Elle est liée aussi à des couplages avec quantité de d'éléments biologiques. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important pour Haraway, c'est-à-dire cette vision que nous sommes le produit d'une symbiose, nous sommes le produit de différentes coévolutions. Symbiose, par exemple, au cœur de nos cellules, il y a la présence de mitochondries qui sont des éléments extérieurs. Et donc, nos cellules elles-mêmes sont le produit d'une collaboration inter-règne, inter-espèce. Voilà. Mais également, donc, coévolution, au sens où, par exemple, l'histoire humaine ne va pas sans des relations développées avec quantité de d'autres espèces, les espèces domestiquées en particulier, qui ne sont pas à penser sur le mode justement de un humain indépendant qui s'approprierait des choses extérieures, mais sur le modèle de la coévolution. Donc Haraway parlera un peu plus tard d'espèces compagnes, en fait, qui vont ensemble, les humains et leurs chiens vont en fait ont une histoire commune, une histoire partagée, une histoire d'échange de gènes, de virus, de on en parlera jeudi avec Vinciane Després, c'est un texte qui est paru d'ailleurs en 2003, hein. c'est le manifeste des espèces compagnes où elle défend justement cette hybridation même entre le vivant. Mais concernant cette idée de rompre avec ce mythe d'une pureté, en fait, originelle. C'est peut-être ça, en fait, c'est le terme de pureté qui ne va pas pour Donna Haraway. La pureté, en effet, on voit bien que dans un monde qui est fait de symbiose, de relations, d'échanges, etc., eh bien, il n'y a jamais de pureté. Mais il n'y a jamais non plus de pureté éthique, il n'y a jamais non plus de... Comment dire ? Il n'y a même pas de rapport entre l'original et la copie. Donc ça, c'est un héritage, si vous voulez, de la philosophie, justement, des années 70, peut-être, mais l'idée que... Vous voyez, je vais donner une image que donne Derrida dans La vérité en peinture. C'est une œuvre de Gérard Titus Carmel qui s'appelle La grande bananerie culturelle. C'est quoi ? Prenez une banane, d'accord ? Prenez une banane et vous en faites des copies en plastique. Et vous exposez tout ça dans des petites cases, c'est très joli. Qu'est-ce qui se passe ? Les copies en plastique restent très belles et la banane ? Pourri, se dégrade de jour en jour. L'original, en fait, est moins bon que ses copies. Si on prend un autre exemple, pourquoi la banane, en fait, vous pourriez demander, ben en fait, parce que c'est une sorte de figure du pénis. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez un pénis masculin et vous en faites une copie ou des copies. Ça s'appelle des godemichés, d'accord ? Bon, eh bien, les godemichés sont beaucoup plus efficaces que le pénis originel. Ils sont toujours d'attaque, on va dire. Alors, pourquoi cette affaire ? Alors, les bananes, les godemichés, l'idée c'est quoi ? C'est le patriarcat encore. C'est le rapport avec le père, le rapport entre est-ce qu'il y aurait du coup une sorte de patriarcat qui dominerait, qu'il faudrait expliquer. Ce que rejette Haraway, c'est l'idée qu'il y aurait cette origine qui serait quelque chose de sanctifié. Et forcément meilleur. Meilleur. Donc que ça soit finalement une origine masculine, comme on l'a vu dans les exemples que j'ai développés, ou que ça soit d'ailleurs une origine féminine, comme une maternité divine et primitive. Elle refuse ce mythe des origines. I think of the cyborg as both a fictional and a factual. Le cyborg est un nœud entre un sens fictionnel, factuel et historique qui rassemble des sciences de l'information et des ordinateurs, des organismes humains et non humains et des êtres humains vivant en relation avec ces sciences. De plusieurs points de vue, la Deuxième Guerre mondiale a donné naissance au monde de l'information. Donc je ne pense pas le cyborg comme un Terminator ou un robot, mais plutôt comme une conjonction historique d'organismes humains et de machines avec des conséquences fortes sur l'imagination et la politique. And I think of the world that we're living in as ontologically, historically contingent. Et je pense que le monde dans lequel on vit est ontologiquement contingent. Les êtres viennent au monde dans un contexte historique et le cyborg s'inscrit là-dedans. C'était donc la voix de Donna Haraway, c'était en 2009 sur France Culture dans les vendredis de la philosophie. On entend bien hein, l'idée de Donna Haraway, ce que vous avez rappelé Thierry Hoquet, à savoir effectivement le cyborg est véritablement l'image en fait du mélange, de l'hybridation. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est le terme de contingence. C'est une figure qui s'inscrit dans la contingence du monde, nous dit-elle. Mais à partir du moment où on dit que tout est contingent, est-ce qu'il faut renoncer en fait à l'idée de nécessité ? Et comment proposer une philosophie comme le fait Donna Haraway, ou en tout cas une sorte de manifeste d'émancipation sans postuler peut-être des lois un petit peu stables pour pouvoir s'en sortir ? En fait, ce que refuse Haraway ici, c'est ce qu'on appelle la téléologie. C'est-à-dire, elle refuse les grands récits. Elle refuse l'idée que, voilà, si vous supposez un matriarcat originel où les femmes étaient divinisées, comment vous expliquez qu'aujourd'hui le patriarcat est dominant dans toutes les sociétés humaines ou la plupart d'entre elles ? Comment vous expliquez ça ? Eh bien, vous allez vous dire, ah, mais c'est en fait parce que quoi ? Parce que les femmes ont accouché, parce que les femmes étaient plus faibles, parce que on les a exclues des protéines animales, parce que vous allez chercher des explications, vous allez raconter une histoire qui va vous amener avec un argument de plausibilité depuis la préhistoire, nos ancêtres, jusqu'à nous, de manière inéluctable. Vous allez donc raconter une histoire téléologique, une histoire orientée vers aujourd'hui, pour expliquer que il ne pouvait pas en être autrement que ce qui est arrivé. Donc là, vous faites une sorte de darwinisme à la petite semaine, où vous allez expliquer comment des contraintes biologiques, finalement, ont entraîné la situation actuelle. Et le problème dans ces téléologies, dans ces grands récits, dans ces grandes histoires, c'est qu'elles donnent le sentiment d'un monde inéluctable, d'un monde auquel, finalement, ben, on ne peut rien changer. C'est ainsi, puisque la nature l'a voulu ainsi. Mais les féministes de l'époque d'Haraway, encore aujourd'hui, donc féminisme des années 80, issu des années 60-70, n'ont jamais postulé une forme de nécessité à la condition féminine, et au contraire, étaient plutôt inscrites dans des luttes qui pensaient que c'était modifiable et non pas une fatalité. Alors, c'est d'abord, faut dire, les féminismes, et ça gêne aussi beaucoup Haraway, en fait, c'est-à-dire, en fait, le fait qu'on puisse pas être juste féministe, mais qu'on soit féministe, socialiste, féministe, matérialiste, féministe, etc. Donc, il y a cette question de la pluralité, des étiquettes, et du coup, des luttes internes, des luttes intestines, qui divisent mal féministe. La lutte féministe, en fait. Voilà, les luttes féministes. Et puis, il y a aussi, c'est pas seulement le féminisme, c'est le féminisme dans ses interactions avec le marxisme, avec la critique de la psychanalyse, avec des grands récits, il y en a partout, en fait. Hein. On ne répond pas, par exemple, à l'angoisse de castration en disant il y a un désir de matrice, par exemple, chez les hommes, vous voyez. Ça, il suffit pas de, voilà, d'inverser le préjugé pour sortir. C'est toute l'histoire qui est un peu trafiquée. Et donc, cette affaire de Haraway, je dirais, c'est éviter les simplifications, les grands récits. Et donc, expliquer cette contingence, c'est dire, finalement, si nous en sommes là aujourd'hui, ça n'est pas l'effet de lois déterministes strictes. Il y a aussi donc la possibilité d'en sortir. Un exemple que Haraway développe souvent, qui est intéressant, je trouve, c'est la façon dont, dans l'histoire de la vie en général, eh bien, un jour, il y a eu des bactéries qui ont produit de l'oxygène, que l'oxygène s'est densifié dans l'atmosphère, au point qu'il est devenu un poison pour les formes de vie, jusqu'au moment où des formes de vie qui ont pu exploiter cet oxygène comme nouvelle ressource d'énergie, donc qui ne dépendaient plus de la photosynthèse, mais de la dégradation de l'oxygène, ont pu prospérer. Et donc, cette grande histoire de la vie, elle montre bien ce sentiment de la contingence. En fait, l'histoire des vivants, c'est fait d'accidents, de choses qui sont des poisons, mais qui tout à coup deviennent des ressources. Elle est faite de ces inventions-là qui sont imprévisibles. Ce qui fait que Donna Haraway peut dire à la fin de son manifeste « Je préfère être cyborg que déesse ». C'est véritablement contre ces grands récits et en vertu d'une défense des contingences ou du fait qu'il faut se rendre compte que nous sommes tous pris dans des contingences qu'il faut être cyborg. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois que je vous ai dit « Thierry Hoquet, je suis cyborg », qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que ça change à ma manière de voir le monde ou à ma manière d'agir? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on peut reprocher à Haraway et qu'on lui a reproché. Déjà, par exemple, dire « je préfère être cyborg que déesse », voilà, on voit bien la dimension provocatrice, c'est-à-dire, en fait, il ne s'agit pas de mythifier la femme et d'opposer à l'image de la femme dominée une image de la femme dominante. Est-ce que Haraway, en décrivant le cyborg, nous donne une simple description passive de notre condition sans nous donner en même temps des moyens d'agir? Ce qu'elle nous dit, c'est que nous serons efficaces dans nos luttes, dans la manière dont nous voulons transformer le monde, si nous avons la bonne ontologie, c'est-à-dire si nous pensons le monde tel qu'il est. Si nous pensons à partir de notions qui sont dépassées, eh bien, notre analyse même de la situation va être fautive. Donc, ce qu'elle décrit, c'est par exemple un monde où la question de l'identité n'est pas la question pertinente, n'est pas la question. On ne se fédère pas en fonction de son identité. On se fédère en fonction d'affinité. Ça, c'est très intéressant parce qu'actuellement, il y a véritablement une question, justement. On parle beaucoup de mouvement identitaire. Donc, Donna Haraway, par exemple, n'est pas la féministe qui va défendre le fait de dire « je suis une femme », qui ne va pas, qui refuse à tout prix l'essentialisme, mais aussi le différentialisme, mais aussi l'universalisme. Et donc, qui va véritablement en finir avec cette idée d'identité, justement, pour l'hybridité. Alors, pour l'hybridité, voilà, mais disons, et pour l'impureté, c'est-à-dire le fait que ben oui, ça explique parfois certaines alliances qu'on peut observer et qui semblent être l'alliance, comment on dit, de la carpe et du lapin, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, oui. Ou de la chèvre et du chou. Oui. Donc, des choses qui n'ont pas l'air de tenir ensemble et qui pourtant font alliance. Typiquement, dans les mouvements contemporains, peut-être l'alliance de certaines féministes musulmanes avec des militants queer LGBT, voilà. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils militent ensemble? Qu'est-ce qu'elles font ensemble? Allons-y. Eh bien, Haraway nous donne cette idée un peu. Elle nous dit, en fait, c'est une alliance contingente qui vise à changer l'ordre des choses. Et donc, on a bien ici l'affaire d'affinité. Ce n'est pas que les gens luttent ensemble parce qu'ils pensent la même chose. Ils luttent ensemble parce qu'ils vont ensemble vers une direction commune. Et en tout cas, ils voient bien les problèmes, ils identifient des problèmes communs. Les dichotomies qui opposent corps et esprit, organisme et machine, public et privé, nature et culture, hommes et femmes, primitifs et civilisés, sont toutes idéologiquement discutables. Les femmes se trouvent actuellement en situation d'intégration-exploitation dans un système mondial de production-reproduction et communication appelé informatique de la domination. La maison, le lieu de travail, le marché, l'arène publique, le corps lui-même, tout fait aujourd'hui l'objet de ces dispersions et connexions polymorphes presque infinies. Et cela a d'importantes conséquences pour les femmes comme pour d'autres. Des conséquences elles-mêmes très différentes les unes des autres, selon qu'elles s'appliquent à des gens différents les uns des autres. À cause d'elles, nous avons du mal à imaginer les puissants mouvements d'opposition internationale qui sont, justement aussi à cause d'elles, devenus si essentiels à la survie. Une des principales voies de la reconstruction de la politique féministe socialiste passe par une théorie et une pratique qui traitent des relations sociales de science et de technologie, et en particulier des systèmes mythiques et sémantiques qui structurent nos imaginaires. Le cyborg est un moi postmoderne individuel et collectif qui a été démantelé et réassemblé. Le moi que doivent coder les féministes. Texte très dense qu'il faut absolument déplier, Thierry Hoquet, texte donc extrait du manifeste Cyborg de 85 de Donna Haraway, interprété par Hélène Losser. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai cette idée de dichotomie. C'est-à-dire, la dichotomie, c'est vraiment presque un combat pour Donna Haraway. Véritablement, elle veut lutter contre tout ce qui nous a permis de penser jusque-là en termes de soi, soi, ou bien, on va dire. Et puis dans le texte, il y a aussi en fait cette idée, et c'est là où on voit quand même que c'est un essai non pas seulement féministe mais socialiste, un essai qui vraiment s'enracine, on va dire, est vraiment engagé, comme vous le disiez Thierry Hoquet, dans la réalité très concrète, et elle va beaucoup parler du travail des femmes, du travail à domicile, du travail pris justement dans ce qu'elle dit l'informatique de la domination. Et puis enfin, j'en profite quand même pour rebondir sur ce que vous disiez Thierry Hoquet sur ce moi, cette idée de l'identité. À la fin, Donna Haraway dit le cyborg est un moi postmoderne individuel et collectif qui a été démantelé et réassemblé, le moi que doivent coder les féministes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase et me dire si Donna Haraway finalement renonce ou pas à ce moi, ou alors quel type de nouveau moi nous propose-t-elle ? Individuel et collectif. Donc ce qui est intéressant, c'est que là où la philosophie ou l'entendement ordinaire a tendance à voir une paire qui est incompatible, c'est l'individu ou le collectif, c'est le naturel ou le social, c'est le moi ou les autres, Haraway, elle rebat les cartes ici, donc elle montre que finalement, on ne peut pas se situer simplement d'un côté de l'opposition. On est nécessairement les deux à la fois. Et ça, ça a quelque chose de scandaleux et d'intéressant, parce que finalement, elle nous montre que la manière dont nous analysons le réel à partir de ou bien, es-tu une machine ou es-tu un organisme ? Ben, les deux. Es-tu donc individuel, un individu, ou es-tu finalement le résultat de la société dans laquelle tu vis ? Ben, les deux. Donc, il y a bien quelque chose de l'ordre du moi, finalement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire « nous ne sommes que le produit des conditions dans lesquelles nous vivons », parce que sinon, on se serait situé d'un côté de la dichotomie. Non, il faut dire les deux. Je suis individuel et collectif. Donc, je suis à la fois moi et non moi, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne suis pas non plus un sujet, justement, qui domine toutes les situations et qui est une sorte de puissance transcendante, indépendante et souveraine. Voilà. Et c'est là où on retrouve donc le premier point que j'ai soulevé dans ce texte, qui est la question justement des dichotomies. Donna Haraway en cite un certain nombre de dichotomies. Alors, ça peut être effectivement la machine, le vivant, homme, femme. Elle en cite tout un ensemble d'autres dichotomies. Elle semble vouloir lutter contre cette manière binaire de voir le monde, mais finalement, elle ne veut pas tant se passer de ces dichotomies que de les faire tenir ensemble, c'est ça ? Oui, alors on a commencé en rappelant le discours de Reagan en 84. Et donc, il y a cette affaire de qu'est-ce que fait Reagan dans ce discours ? il réinstaure le manichéisme. C'est-à-dire, il est en train de dire, attention à ceux qui voudraient comprendre les soviétiques, je sais pas, je pense à la chanson de Sting, vous vous souvenez, Russian, qui disait, attention, les Russes ont aussi des enfants, ce sont des êtres humains comme nous, ils sont pas si mauvais. Reagan arrive et dit, attention, il y a le bien et il y a le mal. Ne mélangez pas tout. Et nous, l'Amérique, nous sommes le bien et les Russes, ce sont le mal. Donc, voilà. Le manichéisme, c'est le durcissement des dichotomies. C'est dire, arrêtez de nous dire que... Non, il y a vraiment des différences. D'accord ? Donc, okay. Il y a les organismes, il y a les machines, il y a le bien, il y a le mal, il y a les hommes, il y a les femmes. Et ça, ça ne communique pas. D'accord ? Donc, ici, Haraway, elle dit... Non, cyborg, c'est cybernétique organisme. Donc, c'est à la fois le monde technique de pointe et le monde organique de base. Et tout ça, c'est lié, et c'est pas lié parce qu'on aurait fait une greffe artificielle et monstrueuse. C'est lié au fait que ben, c'est comme ça, en fait. Et ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc, elle nous oblige à penser des contraires ensemble, mais penser ces contraires ensemble, ça ne veut pas dire produire leur réconciliation dialectique. Alors là, il faut peut-être que je réexplique. Mais... Oui, allez-y. La dialectique, c'est la manière dont, en philosophie, on... résout les contradictions. D'accord ? Donc, il y a la thèse, puis après, il y a l'antithèse. Ça s'oppose, mais heureusement, arrive le moment de la synthèse qui, en quelque sorte, rétablit une sorte d'unité équilibrée et enrichie. Bon, la dialectique, c'est optimiste. C'est synthétique, justement. Les tensions se résolvent pour donner un résultat meilleur. Chez Haraway, le résultat n'est jamais meilleur. Il n'y a jamais de synthèse, en fait. Il y a toujours la coexistence des tensions. Il y a toujours... Le cyborg est une entité bancale, une entité qui ne peut pas être harmonieuse, bien, etc. Il y a toujours un désajointement. Est-ce que par là, vous voulez dire que Donna Haraway renonce à une dimension morale aussi ? Parce que vous dites beaucoup l'idée de bien ou de meilleur. Est-ce que finalement, cet assemblage, parce que je pense que c'est un terme qui peut peut-être bien convenir, cet assemblage d'opposition ou plutôt que fusion, est-ce qu'en fait, c'est une manière aussi de renoncer à toute dimension morale des individus ? Là, je me comporte bien, là, je me comporte mal, là, je correspond à une entité qui est jugée bonne ou jugée mauvaise. C'est un peu l'exemple de quelqu'un qui serait, je sais pas, anticapitaliste mais qui irait manger au McDo, ou quelqu'un qui serait allergique aux oignons et qui fréquenterait, je sais pas, un truc de flamme-cuche. Hein. C'est-à-dire, il y a ce qu'on pense et puis il y a les contraintes avec lesquelles on compose, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, je vais donner un autre exemple, c'est celui de Frankenstein, parce qu'elle s'intéresse beaucoup à ça. Frankenstein, vous savez, c'est cette créature qui a été construite à partir de morceaux de cadavres qui tiennent mal ensemble. Mais à peine il arrive sur Terre, alors Frankenstein fait plein de bêtises, évidemment, mais qu'est-ce qu'il veut au fond de lui, Frankenstein ? Il veut qu'on lui donne une compagne grâce à laquelle il pourra rentrer dans la nature. Il pourra copuler, faire des enfants. Être humanisé, presque. Faire comme tout le monde, ouais. Passer inaperçu. Et Haraway, elle trouve Frankenstein un peu risible, justement, parce que Frankenstein, il n'assume pas son artificialité, il n'assume pas sa monstruosité. Il veut redevenir comme tout le monde. Bon, ben là, c'est typiquement, cyborg, c'est une manière de dire à Frankenstein, assume le fait que tu ne seras jamais parfait. Juste pour revenir sur cette hybridation entre des contraires qui n'est donc pas une fusion, est-ce qu'on peut dire que c'est une manière aussi de... Enfin, comment on pourrait véritablement décrire en fait cet ajointement ? C'est-à-dire, est-ce qu'en termes, par exemple, d'ontologie, si on garde à la fin du texte l'idée que Haraway nous dise « le moi a été démantelé et réassemblé », ça veut dire qu'il persiste quand même un moi. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'ontologie contradictoire, oppositionnelle ? Comment on peut modéliser en fait cette ontologie ? Elle pratique, dans le mot même, vous voyez, c'est un mot valise cyborg, au sens où on prend deux choses, cib et org, et on les met ensemble. De la même manière, Haraway va utiliser un autre néologisme comme nature-culture en un seul mot. C'est-à-dire, telle chose, bah, par exemple, je sais pas, le fait que je sois coiffé très mal comme aujourd'hui, c'est nature culturelle. C'est à la fois, il y a évidemment des éléments naturels dans cette affaire, faut avoir des cheveux ou pas, et comment, comme si. Et puis, il y a des modes, il y a des manières d'intervenir sur ce matériau capillaire. Voilà. Donc, c'est nature culturelle. Toutes nos affaires sont nature culturelle. La manière dont on est, la manière dont on meurt, la manière dont on fait des enfants, tout ça, c'est nature culturelle. Donc, c'est très intéressant cette affaire, voyez. Donc, est-ce que en moi vous allez pouvoir me couper en petits morceaux, m'analyser pour dire là vous avez 30% de naturel, 70% de culturel. Il y a bien des gens qui essayent de faire ça, peut-être en biologie ou en psychologie, mais elle explique que c'est un peu ça n'a pas de sens en fait, puisque nous sommes nature culturelle, donc nous sommes indissociablement l'un et l'autre, nous sommes 100% biologiques et 100% culturels si vous voulez. Donc une manière de définir l'ontologie d'Haraway, ce serait nature-culture. En un seul mot. En un seul mot, c'est ça? Nature-culture en un seul mot, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un chien par exemple? Est-ce qu'un chien appartient au domaine de la nature ou au domaine de la culture? Ben, aux deux. Qu'est-ce qu'un être humain? Vous voyez, on peut pas faire la partition. Et la manière pour des choses beaucoup plus, on pourrait dire, quotidiennes. Est-ce que je suis telle personne dans ma famille ou telle personne au travail ou considérée comme à telle position dans une sorte d'organisation sociale? Là aussi, ça marche? Alors, en fait, ça, c'est très intéressant et vous l'avez indiqué tout à l'heure, j'ai pas rebondi là-dessus, mais sur la distinction entre public et privé. Est-ce qu'il y a un espace public? L'extérieur et un espace privé. Ou est-ce que les deux sont entrelacés? Ou est-ce que voilà. Aujourd'hui, je pense que après l'épidémie et le confinement, etc., et le développement du télétravail, on comprend l'actualité de problématiques développées par Haraway avant la naissance d'Internet, finalement. C'est-à-dire cette manière dont le public s'insère dans le domaine privé. Donc, moi, je pense toujours à une scène dans un vieux film d'Altman de 93 qui s'appelle Shortcut. Vous l'écoutez? Allons-y. Bon, on va la mettre. Oh, ça y est, je mouille ma petite culotte. Oh, branle-moi. Oui, baise-moi bien avec tes doigts. Tu veux venir en moi? Tiens, écoute comme je mouille. Qu'est-ce que tu cherches? Un vieux joint. T'as entendu comme il est mouillé, ma petite chatte? Oh oui, vas-y, vas-y, je veux que tu me baises. Oh, vas-y, oui, vas-y, je te sens, oui, je te sens bien, allez, encore. Oh oui, baise-moi encore plus fort. Oh, je vais jouir. Oh. T'avais l'air de t'exciter. Qui l'a dit? Et Jojo, ses gouttes, il les a prises? Je crois que tu ne devrais pas parler comme ça devant les enfants. Ils y comprennent rien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Puis tu pourrais au moins te réjouir que j'ai un boulot qui me permet de rester à la maison. On n'a pas à mettre les enfants à la crèche. Puis je gagne bien ma vie, non? Louis, pourquoi tu me dis jamais des trucs? Quel truc? Les trucs que tu dis au téléphone. Tu rigoles, j'espère? Non, ça pourrait m'exciter un peu. Écoute, si tu veux baiser, on baise, mais la causette, j'en ai ras le cul. Alors c'est bon, donc c'est cet extrait, effectivement, ce film auquel vous pensez régulièrement, oui, Thierry Hockey, voilà. Dans Shortcut de Robert Altman, un film de 1993 où on entend effectivement ce personnage, cette femme qui en fait garde ses enfants à domicile pour éviter de payer la crèche et qui en même temps donc fait un travail de prostitution par téléphone. Oui. Alors c'est ça, c'est votre imaginaire. Non, c'est pas mon imaginaire. Je suis désolé d'avoir infligé ça à votre auditoire, mais non, ça montre à quel point l'espace de travail peut envahir l'espace domestique et comment les deux ne sont pas étanches. Voilà. Donc les adeptes de réunions Zoom et autres. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Donna Haraway les perçut dès le début des années 80. C'est-à-dire cette hybridation même dans des espaces de travail et privé et public. Mais parce que, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir Internet, comme on dit aujourd'hui. Le téléphone suffit à cette affaire. Le moment où on fait entrer un téléphone dans la maison, on fait entrer l'extérieur dans la maison. Donc, on a fait entrer donc les fantômes dans la maison. On a fait entrer l'obligation de recevoir. l'appel. On a fait entrer la possibilité d'agir à distance. Donc il y a eu le téléphone, il y a eu la télévision. Ce préfixe télé est tout à fait intéressant. C'est vraiment toutes ces manières dont nous agissons au loin, mais aussi du coup sommes agis au loin. C'est-à-dire nous laissons entrer chez nous des choses qui agissent sur nous à distance. On va écouter un dernier texte de Donna Haraway. C'est un très beau texte. Bon, on l'écoute. Trouble est un mot intéressant. Il vient d'un verbe français du XIIIe siècle qui signifie remuer, obscurcir, déranger. Nous vivons des temps perturbants et confus, des temps troublants et troublés. Et quand je dis nous, je veux dire tout le monde sur Terra. Devenir capable d'y répondre, ensemble, dans toute notre insolente disparité, telle est la tâche qui nous incombe. Les temps confus débordent de peines et de joies. De peines et de joies avec leurs motifs largement injustes, avec des destructions inutiles de ce qui a cours et des résurgences nécessaires. Nous devons créer de nouvelles parentés, des lignées de connexions inventives. Nous devons apprendre ainsi, au cœur d'un présent épais, à bien vivre et à bien mourir, ensemble. Il nous faut semer le trouble, susciter une réponse puissante à des événements dévastateurs. Nous devons aussi calmer la tempête et reconstruire des lieux paisibles. Lorsque l'heure est à l'urgence, pour bon nombre d'entre nous, la tentation est forte de remédier au trouble en nous efforçant de rendre sûr un futur imaginaire, en stoppant l'arrivée de quelque chose qui plane sur l'avenir, ou en faisant table rase du passé et du présent afin de préparer les lendemains des générations à venir. Vivre avec le trouble n'implique guère une telle relation à ces temps que l'on nomme futur. Il s'agit plutôt d'apprendre à être véritablement présent, à être davantage que de simples pivots évanescents entre un passé, affreux ou édénique, et un avenir, apocalyptique ou salvateur. À être des bestioles mortelles, entrelacées dans des configurations innombrables et inachevées de lieux, de temps, de matières et de questions, de significations. C'est un très beau texte de Donna Haraway qui n'est pas issu de son manifeste cyborg, mais de Vivre avec le trouble, un texte de 2016. Donc on a entendu l'introduction, un extrait de l'introduction interprété par Hélène Losser. C'est un très beau texte, et ok, c'est bien de finir avec ce texte parce que finalement, cette idée d'apprendre à être véritablement présent rompt complètement avec une vision, on pourrait dire historique ou historicisée, où il faudrait sans cesse tout vouloir recommencer à zéro ou forcément vouloir revenir en arrière. Oui, on ne va pas revenir jamais à un point où, idyllique. La seule chose qui nous est possible de faire, c'est d'approfondir notre acculturation, c'est-à-dire approfondir notre dénaturation. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce que nous devons faire, c'est travailler à partir des conditions qui sont nôtres. Alors, quel est le rôle ici que peut jouer justement l'imagination? Eh bien, c'est aussi l'ouverture de nouvelles possibilités. C'est réfléchir à cette question des noms que nous donnons aux choses. Par exemple, pour Haraway, le mot de changement climatique est un simple euphémisme. On ferait mieux peut-être de parler d'écocide, c'est-à-dire de dénoncer véritablement la manière dont nous détruisons la vie. Donc, il faut avoir les bons noms, mais il faut aussi avoir des moyens d'imaginer des futurs. Et ici, la science-fiction joue un rôle dans cette affaire, puisqu'elle, la science-fiction, ça n'est pas juste de l'imagination. C'est vraiment la science et la fiction. La science et la fiction ensemble, c'est-à-dire, c'est une manière de concilier, de réfléchir à la façon dont, par exemple, s'opère la terraformation. Nous n'habitons pas la Terre qui serait donnée une fois pour toutes. Il y a des processus de terraformation, c'est-à-dire des manières dont cette Terre sur laquelle nous vivons est devenue habitable et pourrait ne plus l'être. Donc, c'est en comprenant cette histoire longue qui vient de loin, de beaucoup plus loin que nous et qui va beaucoup plus loin que nous, et en nous comprenant comme un petit moment dans cette affaire, que nous devons jouer notre rôle. Pas simplement, dit-elle, un rôle de pivot, en fait, mais un rôle de d'anticipation, de prolongement. Elle revient à quelque chose de très fort. Elle dit « Nous sommes du compost ». Donc, le compost, cette chose la plus ordinaire, la chose la plus simple, le fait qu'il y ait de la putréfaction, mais aussi de la production d'un sol nouveau, eh bien, c'est notre ontologie. C'est-à-dire, nous ne sommes finalement que cela. Nous sommes un petit point dans une histoire qui nous dépasse. Merci beaucoup Thierry Hoquet. On finira sur cette idée de « je suis du compost ». Nous sommes du compost. Merci beaucoup de vous. On peut lire « Les presque humains, mutants, cyborgs, robots, zombies et nous » c'est paru aux éditions du Seuil. Mais aussi « Cyborg philosophie, pensée contre les dualismes » aussi paru aux éditions du Seuil. Et tout récemment paru en novembre « Le mystère Mishima » aux éditions Gallimard dans la collection Arcade. Merci encore. Merci de votre accueil. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Princess Nokia, Tomboy, il est 10h54 et c'est l'heure d'écouter Frédéric Worms pour sa chronique Le pourquoi du comment. Comment définir le corps ? Il n'y a rien de plus simple en apparence à définir qu'un corps. Un corps, en effet, c'est d'abord une limite, une délimitation, un contour. On peut appeler corps tout simplement une partie indépendante de matière, une partie qui se sépare des autres par un espace vide et donc un contour. Il n'y aurait en un certain sens qu'à le délimiter et à le dessiner. Voilà ce que nous appelons un corps et donc la définition semble la plus simple du monde. C'est une partie indépendante de la matière de l'univers. Mais est-ce si simple? Quand nous avons un corps, par exemple cette bouteille en plastique sur ma table, ou pour prendre un autre exemple du XVIIe siècle, un exemple assez célèbre finalement, la bougie de Descartes, son morceau de cire, voilà un corps tout à fait indépendant en apparence, mais voilà que Descartes le fait brûler, le fait fondre, et ce corps disparaît, se fond dans la matière de l'univers, cette indépendance supposée semble tout à coup tout à fait relative, il se dissout et peut-être indéfiniment, en plus petit corps, en corpuscule et peut-être en absence de corps, dans une matière peut-être beaucoup plus compliquée que les corps apparents qui nous frappent pourtant et qui sont là pourtant sur nos tables dans notre monde et que nous disposons autour de nous. Comment donc définir le corps ? Il y a pourtant des corps qui nous semblent relever d'une indépendance absolue, d'une indépendance peut-être beaucoup plus forte que ces morceaux de matière tels que celui que Descartes a fait fondre une fois pour toutes, son célèbre morceau de cire. Ces corps qui ne se laissent pas dissoudre si facilement, ce sont les corps vivants. Des corps qui ont une indépendance organique, en quelque sorte, et on les appelle des organismes, justement. Et voilà que, tout à coup, ça n'est plus si facile de dissoudre le corps vivant, ou en tout cas, il change de nature, car l'opération par laquelle un corps vivant se dissout, et malgré tout, trahit aussi son indépendance toute relative, cela s'appelle la mort. Quand le corps vivant est détruit, d'une certaine manière, ou perd ce qui faisait son unité, son indépendance, sa totalité organique, sa nature même de corps, par la mort, voilà que de nouveau nous retrouvons notre hésitation sur ce qui définit réellement un corps. L'organisme est-il si unifié, si indépendant lui-même du reste du monde, puisque dans la mort il peut se dissoudre et d'ailleurs aussi dans la reproduction il peut se transmettre et donc d'une certaine façon le corps vivant lui-même n'est pas si indépendant puisqu'il peut disparaître et puis il peut aussi se transmettre à d'autres à travers sa propre reproduction. Le corps est traversé par autrui, de même qu'il peut se dissoudre dans le monde. Alors faut-il renoncer à l'idée même de corps ? L'idée de corps est-elle toute relative, avec tous les risques aussi de la métaphore de l'organisme qui nous fait peut-être durcir la totalité des corps ? Eh bien, peut-être que la réponse est justement dans ce doute. Peut-être que ce qui définit le corps, c'est la relation entre des corps, qui a toujours quelque chose de relatif, évidemment, puisqu'elle peut changer, mais aussi quelque chose d'absolu, puisque nous ne pouvons pas nous en passer, puisque même la mécanique quantique qui dissout dans des ondes retrouve toujours aussi des corpuscules, et puisque nos corps vivants, sont toujours en relation avec le monde et les uns avec les autres, et que ce qui définit un corps vivant, un corps sensible, un corps humain, c'est peut-être la relation aux autres corps, la manière dont nous avons été regardés, portés, aimés, dont nous regardons, portons, aimons, la relation entre les corps qui n'est pas toujours relative, mais qui les constitue et qui les définit. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert avec Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui, Arthur Dumont et Hélène Losseur à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette première émission sur Donna Haraway, bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Et puis rendez-vous demain pour la suite de notre série et demain, La Nature ne découvre pas toute nue, ce sera avec Florence Caïmax. Merci.